Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, 60e épisode. Bienvenue à toi dans ce monde archilophoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 7 janvier 2007, 11h04. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es chèque en bois ou plan d'épargne logement, tu es coffre-fort, tu es compte en Suisse, tu es on ne prête qu'aux riches et tu es aussi... Banque du Peuple, bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que je désirais avoir une autorisation de découvert de 300 francs. Non ! Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es banquier et tu fais de la thune. Comme chacun sait, mercredi prochain, c'est l'ouverture des soldes. Ainsi, après avoir craqué toute ton oseille pour Noël, tu t'apprêtes à ressortir le chéquier. Seulement voilà, ton banquier t'attend au coin du bois et gare à toi si tu flambes. Alors, à l'heure où peut-être tu vas devoir négocier une autorisation de découvert supplémentaire pour faire les soldes, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, en 53 minutes, de faire sauter la banque. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter, comme d'habitude, de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la banque. Pour commencer, de l'apparition du papier-monnaie à la propagation de l'argent virtuel, il faut retracer l'histoire des établissements bancaires. Ensuite, nous essaierons de dresser une typologie des différents types de banques aujourd'hui. En gros, ça sert à quoi une banque ? On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise made in panic qui viendra éclairer cette mystérieuse affaire Clearstream qui mêle l'univers de la banque à celui de la politique. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons les véritables raisons qui ont poussé Johnny Hallyday à s'exiler en Suisse, le paradis bancaire. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude traversent en ce moment certaines difficultés financières et comment ils ont tenté cette semaine d'obtenir un crédit auprès de leur banque. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et n'épargne pas ton plaisir. You Le Fric, immense succès international en 1978 pour le groupe Chic. Le Fric, cette chanson aurait été écrite en 30 minutes après que les membres du groupe se soient vus refuser l'entrée du mythique Studio 54 à New York. À l'origine, le refrain disait « Fuck off, le fric, c'est chic ». Alors cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à ceux qui justement gardent ton fric, à ceux qui te prêtent de l'oseille et à ceux qui te prennent ton argent, à savoir les banquiers. L'histoire de la banque trouve ses origines dans l'Antiquité. Ainsi, les temples et les sanctuaires étaient en quelque sorte des banques de dépôt. Et le prêt avec intérêt est aussi ancien que l'invention de la monnaie. Dans les sociétés où chaque entité politique battait sa propre monnaie, les changeurs, véritables ancêtres des banquiers, jouaient un rôle majeur pour le commerce. D'ailleurs, le mot « banque » vient de l'italien « banca » qui désignait le banc sur lequel œuvraient les changeurs. Le Moyen-Âge connaît un formidable essor du commerce international. L'argent circule partout, des principautés italiennes jusqu'aux villes hanséatiques et de la République de Venise jusqu'aux confins du monde connu. Au Moyen-Âge, les premières banques connaissent une expansion spectaculaire parce que... C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. La monnaie dirige le monde et à la Renaissance, l'Europe est déjà couverte d'un important réseau d'établissements bancaires. Ainsi, les lettres de change évitent aux commerçants de se déplacer avec de grosses sommes d'argent. Les techniques bancaires s'améliorent peu à peu et en France, le banquier John Lass met en place une innovation majeure, le papier-monnaie. C'était en... 1715. Trop tôt pour les uns, bien tard pour les autres. Louis XIV avait cessé de régner. En attendant la majorité du jeune roi Louis XV, le duc Philippe d'Orléans, régent du royaume, conduisait le bal. Le trésor était vide, mais beaucoup de Français étaient riches. Riches de papier, riches d'espoir. La France connaissait l'euphorie d'une première inflation de billets d'État. Le prince de Gonzague avait transformé la cour de son hôtel du Marais en une véritable maison de banque. Je vends 100 titres. J'achète au cours. 100 de mieux. Entendu. Achetez. Achetez aujourd'hui pour revendre plus cher demain. Bonsoir, mon feignant. Comment vas-tu, bossu? Fort bien, mon feignant. Mais si je suis bossu, vous en êtes un autre. Qu'ose tu dire? Mon seigneur, n'a-t-il pas la bosse des affaires? Ma bosse ne porte bonheur que si on la caresse. John Lass n'a sans doute pas assez caressé la bosse, car son système s'effondra en 1720. Les émissions de billets furent trop élevées par rapport aux réserves en or. Et quand la masse des actionnaires changea ses titres, ce fut la banqueroute. Et oui, pour émettre des billets, il faut une banque solide, qui inspire la confiance et qui doit même parfois, en cas de besoin, soutenir l'État. Vous avez besoin d'argent? Combien? 1000, 2000, 3000? Bah, dans les 1000, je m'en occupe. Allô, Cofidis, c'est Chirac. Ouais. Il me faudrait 1000 euros, là. Ouais, non, c'est pas pour acheter des bières, cette fois. Non, monsieur Chirac, c'est 1000 milliards d'euros. Ah. Ouais, Cofidis, c'est 1000 milliards d'euros, en fait. Non, mais ils vont me rappeler, je leur dois déjà de l'argent. Mais non, ce n'est pas une banque qui fait des prêts à 20% et qui prospère sur la misère des gens qui peut aider l'État. Ce rôle est dévolu à la Banque de France, créée par Napoléon en 1800. Le 19e siècle, c'est un siècle d'expansion pour la finance et pour des banquiers de plus en plus proches du pouvoir. Les banques et les services bancaires se développent avec notamment le crédit qui se démocratise, un mouvement qui s'accélère au 20e siècle. Oui. Oui. Oui. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%? Oui. Et m'endetter pendant 25 ans? Oui. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. En effet, les banques, elles peuvent dire oui, mais le plus souvent, c'est non. Comme par exemple, en 1929, après le krach boursier de Wall Street qui a entraîné une crise bancaire et a ruiné des millions d'épargnants. Mais quelle idée aussi d'aller tous en même temps retirer son argent. Les petits épargnants, ils ne comprennent jamais rien au système bancaire. D'ailleurs, il faut tout leur expliquer, comme par exemple en 1967. C'est aujourd'hui 6 novembre que démarre l'opération carte bleue. En quoi consiste donc cette carte? Eh bien, c'est un petit rectangle de matière plastique avec gravé en relief le nom de votre banque, votre nom, et sur lequel vous rajouterez votre signature. Elle remplace l'argent liquide, mais elle remplace également le chèque. Lorsque vous faites un achat dans un magasin qui porte le panonceau carte bleue, vous présentez votre carte sans avoir besoin de pièce d'identité, et c'est tout. Aujourd'hui, la monnaie scripturale domine largement l'économie. Il est loin le temps des billets cachés sous le matelas de mémé et des pièces dans les bas de laine. Et oui, les temps ont changé. D'ailleurs... Les petites filles modèles ne jouent plus à la poupée. Elles ne jouent plus à la marelle, à la corde à chat perché. Branchées grâce au Minitel sur le marché financier. Et les petites filles modèles s'amusent à boursicoter. C'est à ce jeu qu'elles excellent, fruit de la modernité. À la belle, à la belle, à la belle société. C'est à ce jeu qu'elles excellent, fruit de la modernité. À la belle, à la belle, à la belle société. Ah, la belle société où le dieu argent possède ses temples bancaires et ses hôtels automatiques à chaque coin des rues de nos villes. Et oui, les petites filles modèles sont aujourd'hui des golden boys sur la place boursière de New York qui parfois craquent un peu avant l'hiver. New York a deux jours de l'hiver, est une femme belle et pressée qui fend la foule comme on se paie pour mieux plonger dans ses pensées. Visage vitrine, néon bateau, taxi, chien perdu, fille de joie. Si la ville me noie dans ses flots, elle me rapproche aussi de toi. Assez, pas assez embrassé, j'ai gardé sur mes lèvres closes. À nos amours dédicacés, 10 lettres aux rouges à lèvres roses. Assez, pas assez, enlacé, j'ai toujours, ça n'est pas grand chance, une photo de nous pour glisser dans tes bras le temps d'une pause. Au bout d'une avenue torrent, mélange de rage et de tendresse, je remonte à contre-courant, amour et solitude express. Ici les eaux sont troublées lentes, les chats rient mille odeurs et sons, les sirènes crient plus qu'elles ne chantent, mais tout le monde connaît leurs chansons. Assez, pas assez embrassé, j'ai gardé sur mes lèvres closes, à nos amours dédicacés, 10 lettres rouges à lèvres roses. Assez, pas assez enlacé, j'ai toujours, ça n'est pas grand chose, une photo de nous pour glisser dans tes bras le temps d'une pause. New York à nos amours, c'est ce que propose Art Mango sur un album intitulé « Entre mes guillemets ». C'est sûr que New York, avec ses Golden Boys et Wall Street, demeure encore aujourd'hui la capitale mondiale de l'amour de la thune. Alors, après avoir survolé l'histoire des établissements bancaires, poursuivons maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, notre petite exploration à l'intérieur d'une banque en essayant de comprendre quelle est son utilité aujourd'hui. Oui, mon ami, une banque, ça sert à quoi ? Primo, que ce soit bien clair pour tout le monde, une banque n'a aucune vocation philanthropique. Certes, parfois, elle nous dit « Allez, conjuguons nos talents, très bien ». Mais bon, quand on sait que son unique souci consiste à se faire un max de beurre avec ton oseille, c'est dingue, non ? Faudrait qu'on dise merci en plus. N'oublie jamais, par exemple, que lorsque tu gagnes 300 euros d'intérêt, là, avec ton petit livret d'épargne, eh bien, l'écureuil, lui, il s'est bien plus rempli les bajoux que toi. Ensuite, il est devenu impossible aujourd'hui de vivre sans une banque, puisque désormais, tous les salaires, par exemple, doivent être obligatoirement versés sur un compte bancaire. C'est la loi. Alors, certes, c'est bien pratique de pouvoir payer ses achats avec une carte bleue, par exemple. Mais bon, d'une part, la banque contrôle toutes tes opérations, c'est sympa, ça. Et d'autre part, tous ses services, naturellement, sont payants. La banque se rince donc l'œil et la panse à tous les étages. C'est agaçant, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus agaçant que la clientèle traditionnelle ne leur suffit plus maintenant. C'est ainsi que depuis plusieurs années, le banquier drague les jeunes dans l'espoir, bien sûr, d'une ouverture. Vous désirez ouvrir un compte de quel genre ? Je ne suis pas très fixée encore, je ne suis pas très au fait de ces choses-là. Ah. Ou si vous voulez, nous prenons votre argent pour le planquer sous un matelas derrière. Mérinos, Mérinos, le matelas des réveillons beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blâmes, c'est fini. Tu te réveilles fringante, hein, moral et patent. Tu démarres du bon pied pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. C'est toujours pareil, hein. Quand tu viens ouvrir un compte pour la première fois, le banquier, il est super sympa. Comme il est prêt à vendre sa mère pour que tu signes, il fait le mariole, il t'offre un café, il te met en confiance. Alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu signes, tu ouvres un compte. Et puis, quelques mois plus tard, ça se complique très vite. À peine assis, il m'a dit « J'ai pas trop d'argent et je voudrais acheter un appartement. Être propriétaire, quoi. » Je l'ai envoyé chier, j'ai fait mon métier. C'est gagné ! Lui, il m'a dit carrément « J'ai eu des petites dépenses, je risque d'être à découvert. » Je l'ai interdit de checker, j'ai fait mon métier. C'est gagné. Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait. J'ai tout le marché français de l'héroïne, mais ça me suffit pas. Je veux plus. Je veux l'Amérique. Mais pour ça, il faut blanchir l'argent. J'ai répondu, chiche, j'ai fait mon métier. C'est gagné. BNB, c'est gagné. Ah bah oui, c'est bien connu ça. L'argent, même sale, il n'a pas d'odeur pour la banque. Tant que ça rentre, hein. Cela dit, en effet, si tu es pété de thunes, une banque peut alors devenir très utile. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, ton banquier, lui, il ne s'économise jamais. Je pourrais vous proposer un petit placement pépère, un plan d'épargne logement ou des bons du trésor, un compte rémunéré des six caves monétaires, quelques obligations ou bien des lingots d'or. Une banque, donc, ça sert essentiellement à faire fructifier l'argent de ceux qui en ont vraiment. Et puis, de la même manière, et ça aussi c'est bien connu, la générosité du banquier ne s'adresse qu'aux riches. Je te prête beaucoup, puisque je vais y gagner énormément. Seulement voilà, même blindé aux as, si le débiteur n'est pas réglo, la banque finit par lui tomber dessus. Et là, les loups de la finance se bouffent entre eux. Le journal Patrice Berthe. Au sommaire ce soir, par ici la monnaie, jadis spécialisée dans les entreprises en difficulté, Bernard Tapie se retrouve dans le collimateur de son créancier le plus célèbre, le Crédit Lyonnais. La banque nationalisée, à qui Tapie doit plus d'un milliard de francs, exige le remboursement immédiat d'un tiers de cette dette. Comme n'importe quel citoyen, Bernard Tapie a donc reçu par courrier un commandement à payer. Et Tapie donne-nous du fric pour gagner des milliards. Il danse avec des milliards. Avec les milliards. Les affaires, on n'en veut pas, mais on veut des milliards. Ils dansent avec les milliards. Et Tapie donne le nom du fric pour coller des milliards. Ils dansent avec les milliards. Enfin, il devait danser avec les milliards. Parce que, pour l'instant, Monsieur Tapie, il n'a toujours rien récupéré du Crédit Lyonnais. Toujours est-il qu'il a choisi la justice pour récupérer justement ces millions d'euros que, soi-disant, la banque lui doit. Parce que, figure-toi qu'il arrive aussi que certains d'entre nous choisissent d'autres voies pour se renflouer. Autrement dit, ils passent directement par la banque elle-même. 500 coffres dévalisés dans les sous-sols de la Société Générale à Nice, un butin de près de 10 milliards d'anciens francs, les gangsters seraient passés par les égouts de la ville. Les auteurs du fabuleux Fric-Frac de Nice ne manquaient apparemment ni de talent dans leur spécialité sentant, ni d'humour. Ils ont pris le temps de signer leur forfait d'une formule peinte sur le mur de la salle des coffres, et tout à la gloire du pacifisme, puisque on peut y lire « ni coup de feu, ni violence, ni haine ». Il n'est pas sûr que les nombreux propriétaires de coffres de la succursale niçoise de la Société Générale ont apprécié la plaisanterie. Personne pour l'instant ne peut vraiment évaluer l'importance du butin. On parle ici de 40 millions et ici de 100 millions de francs actuels, c'est-à-dire 4 à 10 milliards anciens. En juillet 1976, Spadjari et sa bande furent donc les auteurs à Nice de ce qu'on a appelé le casse du siècle. Seulement voilà, braquer une banque, d'une part, c'est illégal bien sûr, et d'autre part, quoi qu'il en soit, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que faire quand on est, comme la plupart d'entre nous, un simple petit client et que la banque te gonfle grave? Eh bien, le mieux, je crois, c'est de changer complètement de banque. Je trouve idiot cet écureuil montrant sa queue empanachée. Avec la mienne, je recueille ce que ma bourse a épargné. Et plus ça va, et plus je suis heureux vraiment. Oh oui, à chaque versement, non, je ne connais plus le stress. Je fais un dépôt quand ça presse. À mes tourments, j'ai mis un terme, je suis à la banque du sperme. Pour vous parler franchement, votre banque m'intéresse. Alors conjuguons nos talents. Mais revenons plutôt à une réalité plus austère et, pour être un peu plus complet sur ce qu'est une banque aujourd'hui, comment ne pas évoquer ici ce merveilleux établissement bancaire luxembourgeois, à savoir la célèbre banque Clearstream. Afin d'y voir plus clair sur l'utilité de cette banque, nous t'avons préparé un petit melting pot d'une minute 47. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Bernard, vous connaissez bien ce milieu, ça vous a coûté assez cher. Déjà, est-ce que pour vous, Clearstream est un organisme qui peut blanchir de l'argent déjà? Non, une banque n'est pas vraiment une banque dans un paradis fiscal avec des comptes cachés et numérotés, non. C'est prématuré de porter un jugement. C'est comme dire que les cyclistes sont dopés, on accuse sans preuve. Oui, enfin, dans le cyclisme, il y a des preuves. Eh ben alors, c'est comme dans l'athlétisme, alors, il n'y a pas de preuves. Si, si, il y en a aussi. Bon, qu'est-ce que t'as à me faire chier? Tu veux quoi? Que je te dise que Clearstream, c'est une lessiveuse à pognon qui est tellement pourrie que même les cartels colombiens, ils veulent plus y blanchir leur oseille tellement ça pue? Mais je sais pas. Eh ben, je le dirai pas. Dommage, on aurait eu un scoop. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'affaire Clearstream? L'affaire Clearstream, c'est d'une simplicité absolue. Un certain nombre d'hommes politiques, dont moi, se sont trouvés titulaires de comptes dans une banque étrangère dont ils ignoraient même l'existence. Premier élément. Je veux savoir qui m'a mis là-dedans. Vous avez des soupçons? Pourquoi on m'a mis là-dedans et comment on m'a mis là-dedans? Voilà, je tenais à dire que j'en voulais ni à Villepin ni à Chirac. Car rien ne dit que c'est eux qui sont derrière tout ça. Mais simplement, je tiens à me protéger, car je sais qu'ils veulent me faire assassiner. Comme Gandhi, très aimé des gens, Gandhi. Oui. On leur dira. Oh, pour la peine, je m'en charge. Je file à l'Elysée, là. La République, ce n'est pas la dictature de la rumeur, la dictature de la calomnie. La République, c'est la loi. La démocratie, ce n'est pas l'irrespect et l'exploitation jusqu'à l'outrage des procédures judiciaires en cours, au risque de faire le lit des extrémismes et de désespérer les Français de la politique. I must have got up about 20 to 7, had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast. You know, forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, good old England. I get this writer's block, it comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly, caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always My clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone. You'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Writer's block, autrement dit l'angoisse de la page blanche, c'est ce que craint le groupe Just Jack. C'est aussi ce que redoute ton banquier à la fin du mois quand il découvre la page consacrée aux opérations créditrices de ton relevé de banque. Alors, il est temps maintenant, à 11h31, de te révéler les véritables raisons qui ont poussé Johnny Hallyday, il y a quelques semaines, à rejoindre la Suisse, autrement dit le royaume de la banque. Souviens-toi, au mois d'octobre 2003, sur les conseils de son beau-père, M. Boudou, Johnny avait ouvert une discothèque, l'Amnésia, dans les sous-sols de la tour Montparnasse, à Paris. À l'époque, sa banque lui avait dit « Banco, vas-y Johnny, investis ». Seulement voilà, ce fut un fiasco et Johnny y a perdu beaucoup de plumes. Personne ne le sait, mais il est sorti ruiné de cette affaire hasardeuse. Bien entendu, depuis quelques mois, les banques se sont manifestées, oppressantes, puisque Johnny devait affronter de gros problèmes de trésorerie. C'est alors qu'au mois de novembre dernier, un soir, au bar du Raphaël à Paris, Johnny Hallyday a croisé son vieux pote Alain Delon, devenu citoyen suisse, lui, depuis de nombreuses années déjà. Et, visiblement, ce soir-là, Alain Delon semblait avoir trouvé une solution aux problèmes pécuniaires de Johnny. Ça doit pouvoir se faire de devenir gangster. Dans mon pays, les banques, ça n'est pas ça qui manque. Il y a de l'argent qui dort, tout plein les coffres forts, presque à portée de main. Suffit d'être malin. On s'ouvrait deux ou trois copains comme toi et moi. On préparait notre coup tranquillement chez nous. Pas besoin de chalumeau, de pain sous le trousseau. En plein jour on irait faire un rôle du pain frais. On aurait repéré dans un quartier discret une petite agence. Il faut bien qu'on commence. Bon salut, à demain, je te serre pas la main. Je suis pressé comme tu vois, mais surtout n'oublie pas que ça doit pouvoir se faire de devenir gangster. Dans mon pays les banques, ça n'est pas ça qui manque. C'est ainsi que Johnny a donc fait croire aux Français qu'il allait s'installer à Gstaad pour payer moins d'impôts. Mais en réalité, c'est pour braquer une banque en compagnie d'Alain Delon qu'il s'est exilé en Suisse. Sur place, Johnny a dû faire appel à quelques artisans locaux pour restaurer ce vieux chalet qu'il s'est acheté à crédit, donc. Et il a notamment sympathisé avec un vieux menuisier qui a fabriqué des meubles pour le compte du directeur d'une grosse banque à Genève. D'ailleurs, ce menuisier a raconté à Johnny qu'un jour, il est entré par hasard dans cette banque à Genève, mais bon... Le lendemain, dans les journaux, j'apprends que je suis recherché. On disait sous ma photo que la banque avait été volée. Et que j'avais oublié ma carabine sous le comptoir. Je broyais du noir en lisant mon canard. Évidemment, le menuisier n'avait rien fait. Mais Johnny trouve cette histoire très bizarre. Il veut en savoir plus et invite ce menuisier à dîner. Pendant le repas, le vieil artisan confie surtout à Johnny un secret, un détail crucial qui l'avait immédiatement frappé quand il est entré dans cette banque il y a quelques mois. Quand tout à coup, au dessert, le menuisier semble choqué par l'attitude de Laetitia Hallyday, assise juste à côté de lui. Eh mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais avec le beurre? Qu'est-ce que tu fais avec le beurre? C'est dégoûtant. Non, pas comme ça. Regarde. Comme ça, tu te fais une petite tranche. Ça va, putain, merde! Attends, mais en France, on est peut-être illogique, sale et mal poli, mais personne ne vient vous faire chier, là, sur la manière de racler le beurre, sur la manière de traverser une rue, sur la manière de parler, bon, d'accord, de conduire, tu as raison, racle le beurre si tu veux. Johnny pense qu'il est temps de mettre un terme à ce dîner, de raccompagner le menuisier et surtout de foncer chez Alain Delon pour lui raconter le secret qu'il vient d'apprendre sur cette banque de Genève. Mais avant même que Johnny ne lui fasse part de quoi que ce soit, Alain Delon, lui, a déjà tout planifié. Nous sommes que deux pour l'instant, mais ça c'est pas flippant. Je fais appel à d'autres gens histoire de mener à bien notre plan. Une équipe de choc, j'ai contacté des mecs sans faiblesse. Si on fait ce qu'il faut, le coup est simple. J'ai le schéma de la banque, le nombre de vigiles, donc aucune crainte. Pour l'alarme et les caméras, y'a pas de soucis. La veille du cash, j'irai sur les lieux pour faire sauter les circuits. Nous serons cinq, dont quatre mecs qui entrent dans la banque. Un chauffeur à l'extérieur dans une voiture en attente. Rien de sorcier, j'ai tout vérifié, j'ai tout planifié. On sera déjà loin avant l'avenue des premiers officiers. Si c'est bon pour tout le monde, on peut faire l'affaire. Bon, je vois que c'est clair, on est tous prêts à être millionnaires. C'est alors que Bernard Tapie, en manteau de fourrure, pénètre dans le salon d'Alain Delon. Johnny est surpris de le voir ici. Mais, visiblement, séduit lui aussi par la proposition d'Alain, Bernard veut se renflouer et a donc décidé de participer au braquage. Cela dit, Johnny s'interroge. Il pensait que Bernard Tapie allait revenir au théâtre, mais pas dans les affaires. Bah voyons, j'adore ça, moi, les tournées à trous de balles sur Loire avec des intermittents qui ont les cheveux gras ou des queues de cheval. Tu m'étonnes que je vais revenir. 12 piges que je vis à quatre pattes à me faire fouiller l'armoire à suppôts par tout le monde. Je suis un peu énervé. Johnny comprend très vite que Nanar va reprendre du service dans les affaires. D'ailleurs, Bernard Tapie a bien révisé ses classiques. Et pour lui, pour braquer une banque, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut s'inspirer des braquages qui ont fonctionné. C'est ce qu'il dit à Johnny et à Delon. Souvenez-vous les mecs. À la Société Générale, une auto démarra. Et dans la terreur, la bande à bonhomie les voiles. En portant la sacoche du garçon payeur. Dans la deux Dion-Bouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs. Avec Raymond la science, les bandits en auto. C'était la bande à Bono. Alain Delon est plutôt d'accord avec Bernard Tapie. Il faut organiser un braquage à l'ancienne. Johnny, lui, demeure stoïque et demande à ses deux lascars de s'asseoir quelques instants et de l'écouter attentivement. Je vais maintenant vous raconter une très belle parabole. Il y avait une fois un menuisier. Celui-ci avait fait fortune parce qu'un fabricant de coffres-forts, un gros malin celui-là, s'était avisé de dissimuler un solide coffre-fort en lui donnant l'aspect d'un meuble qui n'attirerait pas les yeux. Alors, pour faire ça, le gros malin appelle chez lui notre menuisier. Qu'un beau jour, la destinée fait entrer dans cette banque. Et qu'est-ce qu'il voit? Justement un des meubles qu'il avait fabriqué il y avait quelque temps chez le gros malin. Vous devez tous vous dire que ce menuisier a eu une chance de tous les diables d'entrer précisément dans cette banque. Eh bien non. Sa chance s'est arrêtée là, au menuisier. Parce qu'après, il m'a rencontré. Et puis il m'a tout raconté de A à Z. Nos trois larrons sont hilares. Tapie et Delon n'en croient pas leurs oreilles. Il suffirait donc d'embarquer ce modeste meuble qui se trouve juste dans l'entrée de cette banque à Genève pour redevenir millionnaire. C'est énorme. Quand tout à coup, on frappe à la porte du chalet. Diable, au cœur de la nuit, c'est Nicolas Sarkozy. Reviens, Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, ouais, viens. Ah, Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, viens. Reviens vers moi. Nos trois lascars décident de faire entrer Monsieur Sarkozy dans le chalet de Monsieur Delon. Il est venu jusqu'en Suisse pour supplier Johnny de rentrer avec lui en France. Nicolas dit alors à Johnny que bon sang, son cœur est français, il n'est pas suisse, merde. Johnny lui avoue que c'est un peu plus compliqué, comment dire? Ben non, je suis pas vraiment suisse, comment dire, je ne me sens pas suisse, enfin pas dans le sens où on dit je me sens suisse. D'un autre côté, c'est typique d'une certaine catégorie de Suisse de ne pas aimer la Suisse. Donc, finalement, en ne me sentant pas Suisse, je suis très Suisse. Enfin, tu vois quoi. Non. Décidément, Nicolas Sarkozy ne comprend jamais rien à ce que raconte Johnny Hallyday. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Du coup, M. Sarkozy insiste pour que Johnny rentre en France, pour le soutenir dans les mois qui viennent. Comprenant que son ami Nicolas n'est pas prêt de lui lâcher la grappe, Johnny, de concert avec Tapie et Delon, décide de lui avouer les véritables raisons qui l'ont conduit en Suisse. Braquer une banque pour se renflouer. Là-dessus, Sarkozy éclate de rire. Braquer une banque en Suisse? Non mais franchement, t'as vu ta gueule, Johnny? Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'est ce que se demandait en 79 l'expatrié Johnny Hallyday. Mais aujourd'hui, il ne se pose plus la question, Johnny, parce que depuis, ben, il a acheté des lunettes. Alors, pour prolonger notre découverte de l'univers de la banque, il est temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux héros, pas du tout empruntés, les impayables Monique et Jean-Claude. En effet, en début de semaine, afin de préparer les soldes, nos héros ont fait le point sur l'argent qu'il leur restait en banque après les fêtes de fin d'année. Monique, elle espère que tout va pour le mieux. Si j'avais des millions, tiri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, boum, tout le jour à Hélas non, Monique. Sur le compte en banque, il n'y a pas des millions, mais un gros découvert. Il faut donc se faire une raison. Les soldes, ça risque d'être plutôt pour l'été prochain. Mais Monique, elle, veut céder à la consommation. Elle va prendre un crédit, c'est très simple. Elle a vu une pub à la télévision, en 5 minutes, le crédit est accepté. Et Jean-Claude, qui connaît ce système à la con, là, le lui déconseille vivement. Car c'est vrai, avec ces organismes, elle aura de l'argent, mais... Eh oui, un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt à 2 chiffres, pour Jean-Claude, c'est de l'arnaque. Mais Monique téléphone tout de même à l'organisme de crédit. Le banquier au téléphone lui fait tout de suite une proposition. C'est maintenant ou jamais. À prendre ou à laisser, 350 000 euros. Une fois. Deux fois. Trois fois. Vous venez... J'espère, du fond du cœur, qu'on n'aura pas à le regretter. Je regretterai jamais. Et oui, finalement, Monique n'a pas cédé aux sirènes de l'argent facile. Elle a écouté Jean-Claude et a refusé de prendre un crédit par téléphone, là, comme ça, en 5 minutes. Jean-Claude propose alors à Monique de se rendre dans leur propre banque pour voir leur conseiller financier, un certain Kevin Proust. Jean-Claude et Monique se retrouvent alors dans un bureau au mur en verre, recouvert de stores, face à leur conseiller financier, Monsieur Proust. Jean-Claude explique au banquier qu'il veut simplement retirer de l'argent. Vous voulez retirer de l'argent, mais c'est pas un problème. Votre banquier est là pour tout vous expliquer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, il y a votre placement, hein? Si je vous ai expliqué, c'est un placement à taux répertorié sur la base des indices compensés, qui est le plus adapté aux fluctuations indexatoires fixées à 0,38% de l'once sur les cours d'ouverture obligataires. C'est simple. Ah non, on peut pas retirer tout de suite, non? Non, mais sinon, il y a votre PIP. Si, votre PIP, plan d'intérêt sur perte. Calculé sur une durée minima de 25 ans avec 6 caves obligatoires sur les indices réactivés, non avantage de pénalité de frais en garantie, bien entendu. Ah non, on peut pas retirer tout de suite, non? Vous voulez tout retirer tout de suite? C'est possible en effet, mais c'est dommage, hein? Ben oui, vous allez perdre des intérêts calculés au jour le jour sur les évaluations momentanées des moratoires d'actionnariat obligatoires et entubatoires, ce qui fait qu'il vous reste seulement... Ah non, pardon, vous nous devez 216 492 francs. Monique, elle, se rend compte très vite qu'il ne va pas être facile d'obtenir quelque chose de ce banquier. Elle tente alors de l'apitoyer. Ayez pitié, monsieur le banquier, comment je fais pour bouffer? J'ai plus de chéquier, je suis contrôlé. Quand je viens pleurer, vous m'engueulez. Face aux jérémiades de Monique, le conseiller financier décide d'expliquer de manière plus claire le fonctionnement d'un établissement bancaire. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez, monsieur Fortez? Eh bien, dansez maintenant. Ainsi, Kevin Proust, le conseiller financier, conseille donc de faire des économies, de constituer un bas de laine. Mais Monique et Jean-Claude, eux, ils ne veulent pas entendre parler des bas de laine de Proust. C'est alors que Jean-Claude demande à Monique de s'installer entre la plante verte et le présentoir à prospectus et de l'attendre. Lui, il va parler directement au directeur de la banque, en l'occurrence une directrice. Et là, face à la dame, Jean-Claude, il tente le coup du charme. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, hors de son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Mais maintenant qu'il a son rendez-vous et qu'il est face à la directrice de la banque, Jean-Claude, il décide d'être honnête. Comment je peux faire? Je suis interdit bancaire. Il me faut de la maille. Dites-moi comment je peux faire ma vie est un enfer. Je suis sur la paille. J'ai plus de jurette, j'ai plus de jurette. À la banque, je suis dead, je suis dans la merde. J'ai plus de jurette, j'ai plus de jurette, j'ai plus de jurette. À la banque, je suis dead, je suis dans la merde. J'ai plus de jurette. Face à cet aveu de Jean-Claude, la directrice de la banque tapote sur le clavier de son ordinateur le numéro de compte de Jean-Claude, regarde l'écran d'un œil sévère et lui demande 170 000. Une voiture, je me suis acheté une voiture. Et les crédits, c'est fait pour quoi? J'en ai déjà 5 et je voulais pas abuser. C'est vous qui vous habillez chez Saint-Laurent? Oui, enfin non. Lancel, Folie d'Élodie, 8 000. Je me suis laissé déborder, je comptais sur une grosse rentrée. Ah, tapis vert, loto. Qu'est-ce que je fais, moi? Essayez de combler votre découvert, vendez votre voiture, par exemple. Et on en reparle. Je ne fais pas ça contre vous. J'obéis à des directives. Dans la Gestapo, on disait ça aussi. Non, excusez-moi, madame Cohen, Désolé. Jean-Claude sent qu'il vient de faire une grosse boulette face à la directrice de la banque. Et il sort piteux de son bureau. Monique, qui l'attend avec anxiété, lui demande ce qu'a dit la directrice de la banque et veut savoir si cette femme a compris leur problème d'argent. Jean-Claude lui répond que la directrice... C'est une poupée qui fait non, non, non, non. Toute la journée, elle fait non, non, non, non. Et ça ne lui a jamais appris. La banque a donc dit non à Monique et Jean-Claude pour un prêt personnel afin de faire les soldes. C'est sans doute plus raisonnable, mais c'est humiliant. Alors, impuissant face à l'institution bancaire, avant de quitter la banque, Jean-Claude lance à la directrice médusée et au conseiller financier sans voix que... J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Voilà, fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude n'ont pas obtenu leur prêt bancaire, alors ils rentrent chez eux pour faire l'amour et boire de l'eau fraîche. Manquer d'argent, ce n'est pas grave. Pourtant, Jean-Claude, parfois, il aimerait bien être riche. Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous. C'est bien connu. Ah si j'avais des sous, j'irais chez le notaire. J'achèterai de la terre à Narbonne ou en Poitou où je planterai mes choux. Mais pour planter mes choux, il me faut de la terre. Pour acheter de la terre, comme dit monsieur le notaire, c'est une affaire de sous. Et des sous, mais j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, il faut des sous. C'est bien connu. Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Ah, si j'avais des sous, comme j'en ai envie, je serais riche maintenant et j'aurais évidemment beaucoup de sous. Si c'est bien connu. Ah, si j'avais des sous, c'est ce qu'espérait Gilbert Bécaud en 59. Cela dit, quelques années plus tard, le compte en banque de M. Bécaud se portait beaucoup mieux puisque lui aussi avait choisi de s'installer en Suisse. Et oui, Gilbert, il avait mis Bécaud d'argent de côté. Alors, Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers des interdits bancaires, des autorisations de découvert et autres sicaves monétaires. De la Banque de France de Napoléon au compte en Suisse de Johnny, des chèques en blanc aux chèques en bois et des banquiers tatillons aux Jean-Claude sans un rond, nous t'avons dressé un panorama incomplet et subjectif, bien sûr, de ce que peut être le monde merveilleux des banques. Alors bon, ce matin, on a rhabillé les banques pour l'hiver. Cela dit, il faut bien reconnaître que les banques peuvent avoir certaines utilités. Le microcrédit, par exemple, récompensé par le prix Nobel de la paix, attribué à Mohamed Younous à l'automne dernier, est en pleine expansion aujourd'hui. Le microcrédit a permis à des millions de gens de sortir de la misère. À l'origine, il fut créé par des ONG à but non lucratif. Mais face au succès et au taux de remboursement qui flirte avec les 100%, les banques privées aujourd'hui, elles font du microcrédit. Et oui, quand il y a de la thune à se faire, le capitalisme se fait humaniste. Car on sait tous que... En gros, en 66, pour les Parisiennes, l'argent faisait le bonheur. Nous, on te dit plutôt, si on achète ton bonheur, vole-le. Voilà, fin du 60e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la banque ? Revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archi Loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Mathias Alléon et de Serge Viguier. Merci aussi beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Catherine Pinto qui nous a accompagnés cette semaine. Merci beaucoup Catherine. Merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Nous vous souhaitons une très belle année. On se retrouve donc dimanche prochain en direct, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao! Ah, si j'avais la chance que papa possède une banque, je serais moi aussi un riche petit trou du cul.